Il me regarda, sans répondre, la figure toute pâle. Et je vis ensuite son regard se fixer sur Véronique avec une angoisse inexprimable. Il était 8h30. Au dehors, il faisait jour encore. Un jour blanc, d'une tristesse profonde sous le ciel pâle. Les servantes, avant de monter, avaient eu la bonne idée d'aller prendre deux lampes. Je les fis allumer, pensant que leur lumière aiguirait un peu la chambre déjà sombre où nous étions réfugiés. Tante Agathe, qui avait roulé une table au milieu de la pièce, voulait organiser une partie de cartes. La digne femme, dont les yeux cherchaient par moments les miens, songeait surtout à distraire les enfants. Sa belle humeur gardait une vaillance superbe, et elle riait pour combattre l'épouvante qu'elle sentait grandir autour d'elle. La partie eut lieu. Tante Agathe plaça de force à la table Aimé, Véronique et Marie. Elle leur mit les cartes dans les mains, joua elle-même d'un air de passion, battant, coupant, distribuant le jeu, avec une telle abondance de paroles qu'elle étouffait presque le bruit des eaux. Mais nos filles ne pouvaient s'étourdir. Elles demeuraient toutes blanches, les mains fiévreuses, l'oreille tendue. À chaque instant, la partie s'arrêtait. Une d'elles se tournait, me demandait à demi-voix, « Grand-père, ça monte toujours ?» L'eau montait, avec une rapidité effrayante. Je plaisantais, je répondais, « Non, non, jouez tranquillement, il n'y a pas de danger !» Jamais je n'avais eu le cœur serré par une telle angoisse. Tous les hommes s'étaient placés devant les fenêtres pour cacher le terrifiant spectacle. Nous tâchions de sourire, tournés vers l'intérieur de la chambre, en face des lampes paisibles, dont le rond de clarté tombait sur la table, avec une douceur de veillée. Je me rappelais nos soirées d'hiver, lorsque nous réunissions autour de cette table. C'était le même intérieur endormi, plein d'une bonne chaleur d'affection. Et tandis que la paix était là, j'écoutais derrière mon dos le rugissement de la rivière lâchée qui montait toujours.